En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Salut, Danny. Serge, dans un premier temps, je voudrais te lancer quelque chose sur les médias sociaux. Le dossier de l'amphithéâtre avance très, très bien. Il y aurait même une annonce qui pourrait être faite dans les prochaines semaines. Ben moi, je pense qu'on est très avancé dans le dossier de l'amphithéâtre sur la zone portuaire à Chicoutimi. On n'a pas changé d'endroit depuis 2 ans. On a fait des études de marché. Et Étienne Jacques, un ancien de l'Alcan ou de Rio Tinto, qui est un spécialiste dans des recherches comme ça, a présenté à la presse il y a environ un mois tout ce qui avait été fait pour qu'on puisse éventuellement avoir l'amphithéâtre flambant neuf, pas dans le centre-ville, mais plus bas, là, sur la zone portuaire de Chicoutimi. Là, les subventions, évidemment, on ne peut pas avoir un amphithéâtre de 60 ou 62 millions, mais ce n'est pas un amphithéâtre. C'est un centre multifonctionnel. Ben, en fait, il va avoir un amphithéâtre d'à peu près 4000 sièges. Il va y avoir du culturel, il va y avoir des spectacles, il va y avoir toutes sortes de choses. Il va y avoir le stationnement à étage qui va être relié à ça. Il va y avoir la STS où est présentement sur la rue Racine pour les autobus du Saguenay. Alors, à ce moment-là, ça devient un complexe intéressant et ça revitaliserait le centre-ville. Ben, c'est clair. Là, on est rendu là en 2020, en février 2020. On n'est toujours bien pas pour recommencer à faire des travaux au centre Vézina actuel qui va coûter aussi cher ou sinon plus pour du vieux. Tandis que là, on ira avec du neuf. Les gouvernements, évidemment, ça prend des subventions. Alors moi, ce matin, ce qui m'a fait dire que ça approche de plus en plus, c'est que Mme Laforêt, la ministre, a déclaré dans le journal Le Quotidien qu'elle était très avancée dans le dossier, qu'elle a reçu tous les papiers nécessaires de la ville et qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant qui s'en vient parce qu'ils ont de l'argent pour des dossiers comme celui-là. Alors, à ce moment-là, il fallait absolument que le fédéral embarque. Madame Néron, la mairesse de Chicoutimi, a parlé avec les gens du fédéral, Madame McKenna en particulier, et ça prenait absolument des preuves comme quoi que ce nouvel amphithéâtre, pour avoir une subvention, n'aurait pas plus que 25 % d'occupation par les Saguenayens de Chicoutimi. Et c'est le cas. Donc, il y aura un 20 millions qui vient du fédéral, qui a assuré sa participation, reste le provincial et le privé. Mais 25 % ça veut dire que ça va être quand même... Est-ce que c'est faisable? Parce ben oui, c'est faisable. C'est sûr que là, tu vas rentrer le hockey mineur, tu vas rentrer... j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de spectacles également, beaucoup d'expositions. C'est ça qu'il va faire, en fait? Ben c'est ça. Puis deuxièmement, ça va revitaliser parce que le centre-ville de Chicoutimi, où c'est présentement, là, c'est un dépotoir pratiquement. Ça deviendrait quelque chose d'accueillant. C'est déjà très beau le vieux port de Chicoutimi, mais faut autour que t'embellisses. Alors à ce moment-là, ça veut dire que pour le citoyen, il y aura probablement pas d'augmentation de taxes et ça coûterait aux alentours de 18 millions. Sur 62 pour le projet. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça. Non. Alors, c'est pour ça qu'on est rendu là. Il y a des gens là, qui disent « Ah, ça va prendre un référendum. » Il y a eu une consultation populaire 2500 personnes ont participé et c'est approuvé par ces gens-là. Oui, c'est sûr. Alors là, on ne peut plus reculer et dire, recommencer à dire... Alors, il ne faut surtout pas reculer parce qu'à Trois-Rivières, c'était très long, à Hull, c'était très long, puis c'est parce qu'on s'est astiné. Hein? Bon, oui, parce que là, on est en 2020, mais si on dit oui la semaine prochaine, ben l'amphithéâtre, on va l'avoir en quoi, en 24-25? Oui. 4-5 encore. Alors là, on ne peut plus. Là, on est rendu là, puis le niaisage, c'est assez... Puis là, le monde dit « Ah, c'est pas un endroit, on devrait aller là, on devrait aller là. » Bien, ça finira plus. Non, non, c'est ça. Alors là, on est rendu... Moi, je pense, Danny, là, honnêtement, qu'il va y avoir une grosse conférence de presse dans les jours qui s'en viennent pour annoncer le début là, de toute la phase, là, parce que tu sais comment c'est que c'est, les architectes, puis ici, puis ça, pour débuter le plan de l'amphithéâtre ou du centre multifonctionnel à Chicoutimi. Oui, donc on va surveiller ça de très, très près. Serge, je veux parler de l'équipe également. Hier, c'est quand même bien été, mais j'ai écouté le match de samedi contre les Remparts de Québec. Es-tu inquiet? Moi, je ne suis pas encore vraiment. C'est sûr qu'il y a une baisse de régime. Par contre, ce que je te dirais là-dessus, c'est que à quelque part, j'aime autant qu'il l'ait de suite qu'il arrive puis qu'il pique dans le bon temps. Moi, le pique, je crois beaucoup à ça, là. Mais écoute, on regarde Rimouski qui a perdu 3 fois dans les Maritimes la semaine passée. On regarde Cap-Breton qui a perdu contre Bathurst. Les Saguenay ont perdu 2 fois contre Val-d'Or. Les deux seules équipes impeccables depuis 2 mois, depuis les fêtes, les transactions, c'est Moncton et Sherbrooke. Et là, le match Moncton-Chicoutimi est significatif jeudi soir au Centre Vézina. Moncton est en ville. Moncton est dû pour perdre. Mais ça ne veut pas dire que les Saguenayens vont finir premier parce que Moncton a 5 points d'avance avec un match en main pour les Sags. Ouais. Les Sags, il faut absolument qu'ils les battent jeudi soir au Centre Vézina pour espérer encore terminer premier. Mais les Sags, là, j'ai regardé jouer hier soir, là, il manque encore un peu de chimie. Mais il y a du talent dans ce club-là, là. Ouf! Mais qu'Aude revienne, là. Puis le Kite, le défenseur, puis Lapierre, éventuellement. Je peux-tu te dire que ça va être intéressant à suivre? Je ne sais pas s'ils vont se rendre jusqu'à la Coupe Memorial. Ils peuvent se faire éliminer en partant. Puis ça aurait été l'idéal. Ce serait une catastrophe, Ben, écoute, ce serait une catastrophe. C'est évident. Ils ont tout mis le paquet pour cette année. Sauf qu'on n'est pas tout seul. Moncton est puissant, Sherbrooke est puissant, Rimouski, Cap-Breton, des bonnes équipes. Mais je te dis, il ne faut pas lancer la serviette pour les Sags. Ils ont connu une petite baisse, là. Mais moi, j'ai encore confiance avec le talent qu'il y a puis le retour de certains blessés. Si on réussit à créer une chimie dans cette équipe-là, il va être dur à battre. Ouais. Serge, un gros, gros, gros merci. Au plaisir de se reparler. Puis on va s'en reparler. On va suivre ça de très, très peu, mais que le dossier soit avancé. Merci beaucoup, Danny. À la prochaine. Notre ami Serge Cloutier.